le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Une histoire des larmes. Partons aux sources de la littérature, l'Iliade d'Homère, où sa chiale, sa chouinxa pleurniche. Achille, en pleurant, s'assit loin des siens sur le rivage blanc d'écume et regardant la haute mer toute noire, les mains étendues, il supplia sa mère bien-aimée, « Mère, puisque tu m'as enfanté pour vivre peu de temps, mère, ce sont les pleurs d'Achille. Achille pleure dans l'Iliade. Alors de colère, de tristesse ou de joie, oui, c'est l'histoire. Larme à l'œil pour pleurer comme une fontaine, comme un veau, et pourquoi pas pour pleurer avec un renard. Encore. Alors le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah !» dit le renard, « je pleurerai. » « C'est ta faute, » dit le petit prince. « Je ne souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, » dit le renard. « Mais tu vas pleurer, » dit le petit prince. « Mais bien sûr, » dit le renard. « Alors, tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, » dit le renard, « à cause de la couleur du blé. »« C'est les conneries, ça. »« dit le renard, Et tout le monde pleure, le petit prince de Saint-Exupéry dans le film Les Trois Frères des Inconnus avec le Lacrymosa de Mozart. Bonjour Sarah Ray. Bonjour. On pourrait évidemment penser que l'histoire des larmes est une histoire universelle au sens où c'est quelque chose qui se produit face à une sensation. Non, c'est un objet historique. Ah oui, c'est indéniablement un objet historique avec des vraies variations au cours du temps. Ça déjà, on peut le constater dans l'histoire grecque, avec, vous avez commencé là par les héros de l'épopée homérique qui pleurent beaucoup. Et puis ensuite, on observe une espèce de restriction de larmes à l'époque classique. Avec les Romains, de nouveau, on se met à pleurer beaucoup. Les hommes politiques romains n'hésitent jamais à verser une petite larme au cours de leur discours. Et puis encore, nouvel infléchissement historique avec les chrétiens qui ont tendance à vouloir se réserver les larmes et à modifier du coup le sens des larmes. C'est une histoire qui est passionnante que celle des larmes, parce qu'elle touche à l'histoire de nos émotions, à une histoire sociale, bien sûr, on l'entend. Bonjour Anne-Vincent Buffo. Bonjour. Cette histoire-là des larmes que nous évoquons, c'est celle aussi que vous avez étudiée, avec ces moments très nets, mais toujours essentiel de regarder vers le passé, parce qu'on se construit toujours en opposition ou en cherchant un modèle dans le passé. Donc ces moments, par exemple, ces larmes de l'Antiquité, celles qui nous conduisent chez Homère, elles sont très importantes. Oui, elles sont très importantes. Et en lisant Sarah Ray, je me suis demandé si les députés de l'Assemblée nationale pendant la Révolution française n'étaient pas imprégnés de ces textes-là. Et bon, il pleurait aussi parce qu'il avait lu beaucoup de romans sentimentaux, mais il pleurait peut-être aussi à la Brutus, de façon effectivement très virile. Voilà, donc il y a sans doute des influences et des courants sous-jacents qu'on n'a peut-être pas encore assez étudié, parce qu'en fait, on a fait l'histoire des larmes, mais elle n'est pas finie. Ben oui, c'est ça, et c'est pour ça que nous, ça nous réjouit de voir cette histoire qui se construit sans cesse. L'ouvrage que vous évoquez de Sarah Ray, ce sont Les larmes de Rome, le pouvoir de pleurer dans l'Antiquité, chez Anna Moza. Sarah Ray, oui, bien sûr, savoir qui pleure dans l'Antiquité. Vous nous avez dit que dans un premier temps, alors oui, donc il n'y a pas de problème dans un monde grec, on va dire, alors celui imaginé par Homère, parce qu'on sait bien que Homère, c'est une construction de ce qui se passait avant, on peut pleurer. Mais quelles sont ces larmes? C'est-à-dire qu'elles sont codifiées, il y a des moments particuliers où on doit pleurer ou pas pleurer? Oui, déjà, dans cette Grèce archaïque, très lointaine, auquel remonteraient donc les textes homériques, on peut très largement pleurer, en particulier dans le deuil. C'est là que s'observent vraiment les larmes les plus impétueuses. Et donc Achille, par exemple, ne se retient absolument pas de pleurer au moment de la mort de Patrocle, son ami. Donc oui, il y a déjà une codification des larmes, mais une très grande impétuosité. Et ensuite, ça se poursuit. Il y a un mélange, toujours dans les larmes, de convention et... alors d'impulsion, mais tout ceci est assez difficile à distinguer. Oui, c'est très difficile à distinguer parce que il y a les larmes qui arrivent parce que l'on est malheureux. Vous venez d'évoquer le deuil, et puis il y a l'idée que l'on peut montrer ses larmes. C'est quand même deux choses différentes. Être triste et pleurer, ça c'est une chose. Être triste, cacher ses larmes, c'en est une autre. Donc, dans le moment deuil d'une antiquité que vous avez étudiée, pleurer, c'est très important. Mais au sens de montrer que l'on pleure. Oui, la plupart des sources dont nous disposons nous donnent à voir des larmes publiques. Des larmes donc très impressionnantes et qui n'ont pas honte d'être montrées comme telles. Larmes de deuil, larmes dans les discours. Et oui, ces larmes ne se cachent pas. Alors, il arrive aussi qu'on critique des larmes parce qu'on les a vues et qu'on les considère comme inadéquates à la situation. C'est vraiment ça, il faut respecter le contexte, il faut respecter le bon moment. Il ne faut pas pleurer n'importe où et n'importe quand, Vincent Buffot. Hein. Alors au 18e, on aime beaucoup pleurer et se montrer en train de pleurer. Et donc on va courir à la comédie larmoyante en étalant son mouchoir sur ses genoux et en attendant la scène touchante. Et tout le monde est ravi, on ne veut que des larmes. Tous les grands auteurs se sont livrés à ce genre de drame, drame bourgeois, comédie larmoyante. Ce qui est curieux, c'est que, en fait, à part, je pense, Beaumarchais, il n'y a pas une seule comédie larmoyante qui passe le cap de nos siècles, on ne les regarde plus. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant qu'à certaines époques, on puisse être sensible à certaines choses et que ça se soit retourné en sentimentalité et sensiblerie. On peut même inverser le mouvement, parce qu'aujourd'hui, en lisant certaines de ces comédies larmoyantes, on aurait tendance à rigoler un petit peu, parce que c'est tellement poussé à l'extrême. Oui, oui, c'est une gestualité. Alors, bon, en fait, Diderot a théorisé aussi la façon dont les acteurs devaient pousser des soupirs, se mettre à genoux, avec une gestualité, ce qu'on pourrait appeler la gestualité pathétique, sur laquelle on pourra revenir peut-être avec Sarah. C'est-à-dire que c'est comme dans un tableau de Greuze, quoi. La gestualité est excessive, tout le monde est en mouvement, tout le monde est dans le drame, etc. Et bon, on peut voir ça aussi transposé dans des grandes affaires publiques, comme l'affaire Callas, où en fait il y a des gravures qui, pareil, montrent Callas dans des attitudes pathétiques et tout le monde s'est changé de ça. Donc ça va de la... ce qui est curieux, c'est que ça va de la rue à la scène judiciaire et puis après à la Révolution française sur la scène politique. Quoi. C'est comme vous le disiez très bien, c'est aussi des larmes publiques. Alors qu'après, effectivement, on se referme sur des larmes privées et plus publiques. Et puis pleurer, c'est pas simplement avoir un peu de liquide qui sort de l'œil, hein, c'est ce que l'on vient d'évoquer, c'est aussi toute une gestuelle. Ah oui, ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à se rouler par terre, s'arracher les cheveux, se couvrir le visage de cendres, porter des habits déchirés. Ah oui, il y a des tribunaux romains qui ont dû être les spectateurs d'attitudes de pleureurs tout à fait excentriques à nos yeux. Alors, il y a aussi le cas des pleureuses professionnelles qui gesticulent, qui adoptent même certainement une sorte de chorégraphie particulière, remuent leur torse en cadence et aussi s'arrachent les cheveux ou font mine d'eux. Oui, parce que à force, parce que ce sont des gens payés. Hein. Oui, les pleureuses à gages étaient payées par les familles pour assister aux funérailles et produire des chants spécifiques. Donc oui, on imagine qu'elles n'allaient pas jusqu'à sacrifier toute leur chevelure. Ah bah oui, parce qu'en un mois de travail, ça y est, il n'y a plus sur le caillou. On n'a plus le matériel de travail. Non mais c'est formidable cette histoire de pleureuse, parce que c'est pleureuse de l'Antiquité que l'on croise dans Les Larmes de Rome, votre livre Sarah Ray. C'est aussi un phénomène qui dépasse simplement le monde romain, simplement le monde occidental. C'est un phénomène universel. Dans ces exhibitions de deuil, la manifestation de la douleur est une chose obligée. C'est à proprement parler un rite. Le défunt pourrait s'irriter d'être mal pleuré et, dans cette circonstance au trouble qu'est le passage de la vie à la mort, se venger des survivants ingrats. Encore à présent, dans beaucoup de civilisations archaïques, la mort n'est pas un phénomène naturel. Si quelqu'un est mort, c'est qu'on l'a tué. La recherche du coupable est aussitôt entreprise à grand renfort de pratiques divinatoires. La douleur dont on fait preuve témoigne alors ou fait préjuger de votre innocence. Enfin, vis-à-vis des parents du défunt, c'est une marque de courtoisie que de pleurer convenablement le mort, car c'est du même coup rendre hommage à son sang et à sa famille. Ah. En 1947, l'ORTF envoie ses micros pour enregistrer les chants de deuil en Afrique noire. Et Alexandre Manzanares, qui réalise cette émission avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger, s'est amusé à relier ces chants de 1947 en Afrique noire à des chants de pleureuses en Italie, quelques années plus tard. Et il y a presque un sentiment là qui touche à l'universel du pleur. Sarah Rey, ces pleureuses de l'Antiquité, on voit bien, sont des femmes, peut-être des hommes aussi, je ne sais pas. Surtout le des plus femmes. Souvent des femmes. Payées pour pleurer au moment où il y a des obsèques. Quel est ce statut ? C'est-à-dire que c'est exhiber la tristesse de perdre quelqu'un ou la portée sociale de ces pleureuses est beaucoup plus large ? Oh, il y a une dimension sociale évidente. Ces pleureuses, alors moi je connais plutôt celle de l'Antiquité, étaient des femmes de conditions modestes, très certainement, esclaves ou affranchies, qui produisaient donc des chants funèbres qu'on appelait les Néniae, et qui pouvaient être critiquées certainement en raison de leur statut social modeste. Alors, on a des textes latins qui disent que leur voix était laide, leur chant était inepte. Et là, dans le document sonore que vous avez trouvé, apporté, on sent bien que ces chants ne requièrent pas une technique très très poussée. Mais n'empêche, la présence de ces pleureuses était souhaitée par les familles comme un gage de piété, hein, comme un attendu de l'événement funèbre. Et ce qui est très, très intéressant, c'est de voir comment les larmes se convertissent en chants, finalement. Il y a, dans le rituel, la volonté de styliser un petit peu l'émotion, hein, de la transformer en quelque chose de plus beau, de plus pérenne aussi. On ne peut pas pleurer comme ça pendant des heures sur un lit funèbre ou sur un cadavre. Le chant se substitue aux larmes et satisfait tout le monde, finalement. Le rite est observé. Voilà, les pleureuses qui s'inscrivent dans un rite. Anne-Vincent Buffaut, ces pleureuses existent moins dans nos civilisations aujourd'hui en Europe, quoique ça existe toujours quand même. C'est important de souligner la présence de ces pleureuses sur un temps très long. Oui, tout à fait. Je pense qu'elles ont été interdites au début du 19e siècle, en tout cas en France. Enfin, c'est ce que dit Furex dans son livre sur les larmes. Et c'est vrai que c'est utilisé souvent en termes rhétoriques pour dire les pleureuses de Rome, en particulier Saint-Just utilise cette expression, contre Camille Desmoulins qui veut un comité de clémence, il dit on va encore acheter des pleureuses à Rome. Donc c'est plutôt le côté péjoratif de payer quelqu'un pour des pleureuses. En même temps, les pleureuses, au niveau anthropologique, c'est très intéressant. C'est l'article fondateur de Marcel Mauss sur qu'un sentiment peut être à la fois obligatoire et spontané. Ce qui est un peu contre-intuitif pour nous, qui sommes toujours à chercher les fausses larmes. Et ben non, en fait, on peut être tenu de pleurer et en même temps avoir et en même temps pleurer, quoi. Oui, c'est ce paradoxe, hein, qui est toujours présent avec les larmes, parce que il y a ce sentiment que l'on peut tous ressentir, on l'a tous ressenti à un moment dans notre vie, où les larmes nous viennent naturellement. Ce sentiment-là, on va dire qu'il dépasse simplement les contraintes sociales, mais par contre, les contraintes sociales arrivent là pour canaliser ensuite pour ces pleureuses à Rome. Parce que quand nous parlons du temps romain, nous parlons d'un temps très long. Là aussi, il y a des évolutions quand même qui sont très nettes, et vous l'avez déjà évoqué, Sarah Rey. Mais après une grande période larmoyante, on se calme un peu, on sort les mouchoirs et on s'essuie les yeux. Alors, je ne rentrerai pas dans la question des mouchoirs. Qui est anachronique. Alors, oui et non, parce que il y avait des équivalents de ce qu'on appelle un sudarium, là, une espèce de petite toile à tout faire pour s'essuyer à la fois la transpiration et les larmes. Bon. Mais sinon, non, les Romains avaient tendance à s'essuyer les yeux avec un pan de leur voile, de leur toge, de leur tunique. Donc, oui, il y a, comme je le disais, un infléchissement concernant les pleureuses, c'est avec l'arrivée du christianisme. Alors, il y a déjà une scène des évangiles, c'est au moment de la mort de la fille de Jaïr, enfin, qu'on présume morte, avant le miracle opéré par le Christ, et on voit Jésus chasser tout le cortège qui pleure cette jeune femme. Alors là, on est dans une famille juive. Mais finalement, on a des pleureuses et des pleureurs, quelle que soit la culture antique, hein, aussi bien dans le polythéisme que dans le judaïsme. Et ensuite, on voit les premiers chrétiens, les premiers pères chrétiens partir en guerre contre les pleureuses, parce qu'elles sont là pour signifier la tristesse de la mort, alors que les chrétiens voient au contraire dans la mort une libération. Et Saint Jérôme, par exemple, critiquait les cris stridents qui étaient poussés dans les funérailles. Jean Chrysostome aussi a été le champion de la lutte contre ce type de déploration funèbre. C'est-à-dire réguler en fait le pleur, hein. C'est porter un regard qui permet de ne pas aller vers des extrêmes, parce qu'avec les pleureuses, on sent que l'extrême n'est jamais loin. C'est aussi ça l'histoire des larmes, et sur le temps long et dans tous les domaines où la larme peut apparaître, c'est porter un regard extérieur sur la larme pour contraindre l'individu, eh bien, à se contenir ou pas. Parce que c'est toujours ça qui est important. Parfois, il faut pleurer. Lors des obsèques, par exemple, c'est de bon ton quand même de pleurer. Non, mais c'est vrai que le christianisme, alors bon, on peut pas le prendre en un seul morceau, mais bon, il y a les travaux de Piroche Kanagi sur le don des larmes, qui montrent bien que vraiment, il y a une canalisation des larmes par le christianisme. Alors justement, elle fait la différence entre le christianisme d'Orient et d'Occident, où en Orient, on est beaucoup plus tolérant avec la larme mystique, et en Occident, on a vraiment essayé de bien canaliser, et il faut pleurer de regret, de compunction, etc. Enfin, c'est des larmes très, très organisées de façon à ce qu'il n'y ait pas de débordement, que ça ne déborde pas l'institution religieuse. Et cette rhétorique chrétienne des larmes, parfois, elle fait retour. En tout cas, pour ma période, effectivement, après la Révolution, il y a une renaissance de, en particulier, pleurer la mort du roi. On reprend toute la rhétorique chrétienne des larmes sur les larmes de regret, de compunction. Effectivement, c'est la faute qu'on expie par la purification des larmes. Et c'est pas du tout la même logique que la logique des Lumières sur la façon dont les larmes circulent, les torrents de larmes, la sentimentalité, etc. C'est pour cela que c'est intéressant de nous avoir toutes les deux, parce que cette histoire des larmes fait sans cesse référence à des modèles du passé. Comment pleuraient nos ancêtres? En rejet ou en acceptation? Et pour le moment de l'Antiquité romaine, de la mort de quelqu'un, il y a, alors je ne sais pas, vous allez nous en parler, l'existence de ce petit objet, le lacrymatoire, une petite fiole qui servait à récupérer, dit-on, les larmes pour montrer combien on avait pleuré au moment des obsèques. Qu'en est-il? Alors ça, c'est un objet mystérieux de l'archéologie. C'est une petite fiole en verre ou en terre cuite qu'on a retrouvée par dizaines de milliers dans les tombeaux antiques et dont on ne connaît pas forcément l'exacte destination. Alors les analyses de fonds de lacrymatoires, de fonds de fioles posent aussi beaucoup de problèmes. Il semblerait que souvent quand même ces fioles aient contenu des parfums. Pour permettre aux défunts d'être enterrés dans de bonnes odeurs. Mais il reste en doute quand même, est-ce que certaines libations de larmes n'étaient pas bien vues déjà dans l'Antiquité romaine, quitte à utiliser des substituts. Parce qu'avant de remplir une petite fiole, oui, comme Peter Ustinov dans Quo Vadis, la scène est devenue mythique. Un parallèle avec certains rites juifs, par exemple dans le Seder, pour évoquer les larmes de Jérusalem et de l'exil, on utilise de l'eau salée. Et c'est un substitut qui fonctionne. Dans l'archéologie française, par exemple, dans la fouille de la nécropole de Saint-Paul, les Trois-Châteaux, on a aussi peut-être retrouvé quelques résidus de larmes salées au fond de certaines fioles déterrées par les archéologues. Alors, peut-être, pourquoi pas, un retour du lacrymatoire qui a eu tendance, plutôt ces dernières décennies, à être décrédibilisé par les archéologues qui ont appelé ça des balsamères. Donc des recueils de des vases à parfum. Ouais, j'aime beaucoup Saint-Paul les Trois-Châteaux, c'est dans la Drôme, de dire on a des larmes antiques que l'on aurait retrouvées dans la Drôme. Que posez-vous de l'idée que s'il y a incinération, c'est peut-être pour ceux qui assistaient à ce moment qui est odorant, d'avoir une petite fiole de parfum à se mettre sous le nez, puis après, bon, une fois que c'est terminé, on la jette et ça pourrait être ça. Oui, alors, de toute façon, hypothèse. Il y avait un grand usage des aromates autour des funérailles. Ça, c'est incontestable. Après, oui, le parfum dans les tombes, ça aussi, c'est incontestable. Mais pourquoi pas penser que les larmes se mêlaient à tout ça, d'autant qu'on a des épitaphes, hein, des inscriptions funéraires qui mentionnent la possibilité d'offrir des larmes au défunt. C'est censé lui faire plaisir. Or, souvent sont ménagés dans les tombeaux romains des conduits à libation, hein, qui permettent de faire couler à l'intérieur du tombeau divers liquides en offrande au défunt. Donc, oui, du vin, du miel, et pourquoi pas des larmes ou de l'eau salée. Oui, pourquoi pas des larmes, au moins une. Une larme qui viendrait dans les yeux de ces gens qui assistent aux funérailles. Dans cette histoire que nous évoquons sur l'Antiquité, est-ce que vous retrouvez des échos similaires, vous, Anne-Vincent Buffo? C'est-à-dire que au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, on est dans un monde complètement différent au moment des obsèques. C'est-à-dire que les larmes sont toujours présentes, mais ce ne sont plus autant des larmes d'exhibition, sauf à des moments particuliers. Oui, enfin, c'est surtout le 19e siècle, qui est un siècle où la mort est quand même un espèce de culte permanent, où effectivement, on voit que peu à peu, le deuil est domestiqué. Effectivement, il faut quand même pas trop manifester de débordement, voilà. Et donc, c'est Alain Montandon qui a étudié les rituels de deuil et qui montre à quel point il faut être discret, se moucher discrètement, etc. Donc, même si le culte des morts est extrêmement développé, on ne verse pas des torrents de larmes. Voilà. Les larmes au moment du deuil, on les comprend très bien. On les comprend parce qu'elles sont naturelles. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les larmes à d'autres moments. Alors, nous parlons des larmes tristes, mais il faudra parler des larmes, la joie extrême peut conduire aux larmes. Sarah Ray, dans cet univers politique romain, à quel moment voit-on des larmes hors du deuil? Est-ce que les gens pleurent beaucoup? Quelles sont les occasions de pleurs? Alors, il y en a beaucoup. Dans, par exemple, les débats. Hein, tout simplement, les grandes prises de parole. On reparlera peut-être de Jules César au moment de la traversée du Rubicon, qui n'hésite pas à pleurer et déchirer ses vêtements devant ses soldats. Donc c'est un argument, un outil de conviction, finalement, les larmes, dans les discours politiques. On pleure aussi dans les procès, qui ont une forte dimension politique. On pleure aussi à l'annonce d'événements, alors parfois joyeux. Hein, Auguste, en 2 avant Jésus-Christ, quand il reçoit ce titre envié de père de la patrie, hein, pater patriae, est ravi. Hein, c'est un moment de concorde nationale et il en pleure de joie. Il y a beaucoup, beaucoup d'occasions de pleurer, oui, dans la vie politique quotidienne des Romains. Quel est l'usage des pleurs dans cette vie politique? Vous nous parlez de César qui franchit le Rubicon, c'est quand même énorme, c'est un moment tellement fort. César qui franchit le Rubicon pleure, mais César est alors à la tête de ses armées. Dans notre lecture d'aujourd'hui, le général qui se met en pleurs devant ses armées, ça marche pas. On va dire, c'est quoi ces larmes en fait? C'est pas signe de faiblesse, c'est signe de quoi? C'est avant tout le signe d'un apprentissage rhétorique. César est un membre de l'aristocratie romaine qui sait parfaitement comment construire un discours pathétique. L'heure est très grave. Il met tous ses soldats dans l'illégalité, quand même, en traversant ce petit fleuve côtier qu'est le Rubicon. On est en janvier 49 avant Jésus-Christ. Donc ça vaut bien quelques larmes et quelques gestes pathétiques. César sait qu'il va un peu trop loin. Et d'ailleurs, ça n'est pas lui hein, qui rapporte ces larmes-là, hein, ces suétones. Dans sa propre version des faits, hein, dans la version césarienne des faits, là, César se contient, ses soldats le suivent comme un seul homme. Et d'ailleurs, le discours est prononcé avant le franchissement, donc tout va bien, l'accord est unanime. Selon d'autres versions des faits, donc suétone, Dion Cassius, le discours pathétique est formulé par César trop tard, après le franchissement du Rubicon, au moment où les soldats n'ont plus d'autre choix que de le suivre jusqu'à Rome. Et là, César, nous parlons de ses pleurs. Encore une fois, il ne faut pas imaginer un homme droit avec des larmes qui lui coulent sur les joues. Ça va un peu plus loin, en fait, dans les pleurs de César. Ah oui, les orateurs romains nous choqueraient certainement par leur gestuelle extravagante. Alors, ça, tout avait commencé déjà avec Caius Gracchus, hein, le frère cadet des Gracques, qui, paraît-il, était le premier à sortir le bras de sa toge et à gesticuler, à aller de droite à gauche sur la tribune et à provoquer une émotion contagieuse dans son auditoire. Et à partir donc du deuxième siècle avant Jésus-Christ, un moment aussi où la rhétorique grecque s'acclimate complètement à Rome, les orateurs romains ne vont pas en finir de chercher l'émotion. Et ça, c'est déjà présent dans les prescriptions oratoires de Cicéron, qui dit que l'orateur doit enseigner, plaire et émouvoir. Et oui, c'est ça, hein. C'est créer de l'émotion. Anne-Vincent Buffaut, il y a de ça aussi chez les orateurs révolutionnaires. C'est créer de l'émotion. Exactement, aussi. Exactement, créer de l'émotion. Alors, ça avait commencé déjà avec les avocats, qui utilisaient en fait exactement les procédés littéraires. Alors, il y a le pathétique, mais il y a aussi le sentimental et l'innocence persécutée. C'est peut-être ce qui est un peu différent entre les deux. Donc, c'est les libelles des avocats avant le procès, déjà, c'était vraiment sur le modèle de la littérature sentimentale. C'est-à-dire, il y a un tableau à un moment qui est extrêmement émouvant et tout le monde pleure. Voilà. Et donc, c'est utilisé, effectivement, et de même pendant la Révolution française. Alors, il y a toute une... un débat rhétorique, parce qu'au début, tout le monde pleure de joie, en fait. Hein. On pleure de joie au moment de la Déclaration des droits de l'homme, du 4 août, mais alors, c'est, tout le monde alors, c'est la contagion des larmes. Alors là, c'est pas un usage très rhétorique, c'est vraiment le partage des larmes. C'est-à-dire qu'en fondant une nouvelle société, on fond en larmes et tout le monde pleure. Donc, c'est un peu différent du contexte. Après, c'est vrai que dans les débats, il y a vraiment une rhétorique sur le sang et les larmes, quoi. Il y a les tyrans qui coûtent des larmes et du sang, et qu'il faut pas être effectivement indulgent pour le tyran qui coûte. Donc il y a justement le fameux débat entre Camille Desmoulins et Robespierre sur la clémence, quoi. Est-ce qu'il faut être clément? Ben non, il faut être quelque part pas clément parce qu'il faut défendre les pauvres et les, voilà. Donc, toute cette rhétorique est prise dans le maelstrom de la Révolution. Voilà. Et du coup, après la Révolution, on accuse ces hommes sensibles d'être en fait des gens qui ont fait couler du sang. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup joué sur le fait que le modèle s'est retourné. Et le modèle pour la Révolution est évidemment un modèle en partie antique. Et ça permet de faire le lien, en fait, entre tous ces héros, pour le dire de manière générale, qui pleurent. Ceux de la Révolution, au sens des tribuns qui se mettent à pleurer, mais ceux de l'Antiquité romaine. C'est parce que, en fait, on se réfère toujours à quelque chose de référent. Et on revient à ce qu'on disait au début de l'émission, c'est le héros homérique. C'est pas honteux pour un César de pleurer, parce que Achille lui-même pleurait. C'est un peu ces références qui sont reprises sans cesse. Oui, oui. Les grands hommes romains prennent plaisir, hein, presque, à s'inscrire dans une longue tradition à la fois littéraire et héroïque. Donc oui, on pleure à la manière d'Achille. On pleure aussi parfois en pensant à la gloire d'Alexandre le Grand. On a une scène comme ça qui est rapportée par Plutarque, notamment de Jules César, pleurant à Gadès, Cadix en Espagne aujourd'hui, au début de sa carrière politique, au pied d'une statue d'Alexandre le Grand. Jules César sent qu'il n'est pas encore à la hauteur de son modèle, parce que sa carrière ne fait que commencer. Mais à chaque fois, voilà, il y a ce jeu d'écho entre Grecs et Romains. Tant qu'un homme puissant pleure avec ce type de référence, ça peut être aussi Scipion Émilien qui pleure sur Carthage en s'imaginant lui-même en héros grec au moment de la destruction de Troie. Tout ça, c'est un ensemble de références donc littéraires qui est d'ailleurs qui fait partie d'un savoir partagé, hein, chez les Romains, et ça élève le personnage qui pleure. Oui, c'est le cas de Scipion devant Carthage. On pourrait dire, il a gagné. Alors, il va peut-être pleurer de joie, mais là, ce sont des pleurs. En fait, ça anoblit aussi le geste du général, même s'il est vainqueur. C'est ça aussi. C'est j'ai la conscience de la souffrance que j'ai pu provoquer. Oui, et surtout, j'ai la conscience que la fortune pourrait un jour se retourner contre les Romains. Alors, la pitié à l'égard des populations civiles, elle est limitée. Je vous rassure, les Romains ne se sont jamais trop embarrassés assez de scrupules à cet égard-là. Par contre, les historiens anciens, en effet, adorent raconter ce type de scène où des grands chefs d'armes romains pleurent sur leur propre conquête en se disant « Ah, quand même, bah, par exemple, Veii, Syracuse, Carthage, c'était des très belles cités autrefois. Aujourd'hui, elles sont sous la domination de Rome. » Alors, c'est triste quand même, parce que le cours de l'histoire... Quelle beau titre d'émission. Le cours de l'histoire se modifie d'un coup, mais qui sait si un jour les Romains ne seront pas du mauvais côté de l'histoire. C'est très joliment dit tout cela, parce que ça nous fait vraiment réfléchir à cette histoire des larmes, de colère, de tristesse ou de joie dans le cours de l'histoire. L'histoire à larmes à l'œil. Sur ton visage une larme. France Culture. Aussi douce qu'un je t'aime. Le cours de l'histoire. C'est fané pour laisser place à l'instant. Au sourire de. Xavier Mauduit. De l'amour. Ah, de l'amour, c'est Lucky Blondeau dans le cours de l'histoire. Sur cette histoire des sensibilités, il y a, et nous le sentons bien, cette lecture totalement genrée aujourd'hui dès qu'il est question des larmes. Ça ne pleure pas un homme, mais une femme, ça pleure. Alors, si on essaye de retrouver un peu la source de ces pleurs féminins, ou en tout cas de la différence des pleurs entre les genres, où faut-il aller ? C'est à quel moment qu'on fait un vrai distinguo entre des pleurs féminins et des pleurs masculins ? Déjà dans l'Antiquité ? Oui. À toute époque, je pense. À l'évidence, on a déjà, dès les textes grecs, l'idée que les femmes ont une propension aux larmes, une affectivité plus marquée. Quitte à ce que ce soit de la manipulation, hein, parce qu'alors là, on a des adages romains aussi comme une sorte de dicton de Publius Cyrus, là au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui dit que chez les femmes, les larmes sont des ingrédients de malice. Donc des manières de manipuler les hommes. Mais mis à part ça, on a toute une série de textes philosophiques qui laissent entendre que les femmes, oui, sont plus enclines aux larmes, de même que les personnes non éduquées, de même que les barbares. Hein, c'est intéressant d'associer tous ces groupes. Oui, c'est des distinctions qu'on trouve sans vergogne dans, par exemple, la Consolation à Marcia de Sénèque, pourtant adressée à une femme, mais bon. Et aussi dans la Consolation à Apollonios de Plutarque. Voilà, il y a un vrai partage du sensible, un partage de l'affectivité. Si on veut être du bon côté de l'émotion, il s'agirait plutôt d'être un homme éduqué et civilisé. C'est ça, hein, c'est cette lecture pour savoir qui pleure, mais avec cette question toujours du ressenti. Parce que c'est vraiment ça la question, c'est où on se place dans la société, en haut, en bas, est-ce qu'on est un homme, est-ce qu'on est une femme, et puis au-delà de ça, est-ce qu'on est romain ou est-ce qu'on est barbare ? Vous avez cité Sénèque, il est là. Il est conforme à la nature de regretter les siens, qui le contestent, tant que ses regrets sont modérés. Le simple départ ou la mort de ceux qui nous sont chers nous cause une irrésistible émotion qui serre les cœurs les plus fermes. Mais l'imagination y a plus de part que la nature. Vois combien le chagrin des animaux est violent et pourtant combien il passe vite. Quand les bêtes fauves ont bien couru sur les traces de leurs petits et erré par les forêts, quand elles sont maintes fois revenues à leur tanière dévastée, leur fureur tombe en un moment. L'oiseau s'agite avec des cris perçants autour de son nid désert. L'instant d'après, il se résigne et reprend tranquillement son envol. Aucun animal ne regrette longtemps sa progéniture, sauf l'homme, qui se fait le complice de sa douleur et ne s'afflige pas en proportion de ce qu'il ressent, mais dans la mesure où il se l'est fixé. Veux-tu des preuves que la nature n'exige pas qu'on s'épuise en regret ? Le même deuil affecte une femme plus qu'un homme, un barbare plus qu'une personne civilisée, un ignorant plus qu'une personne instruite. Alexandre Manzanares qui lisait cet extrait de la Consolation à Marcia de Sénèque. Alors bien sûr, Sarah Rey, vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Valenciennes. Vous avez écrit l'histoire des larmes, les larmes de Rome chez Anna Moza. Je pourrais vous faire réagir sur Sénèque, ce serait logique, vous serez presque trop fastoche. Alors que nous avons Anne-Vincent Buffo, historienne associée à l'Université Paris Cité. Vous êtes l'autrice, vous, de l'histoire des larmes chez Payot. En fait, ce son de Sénèque, il a une portée universelle là aussi, c'est-à-dire qu'il traverse les siècles. Il y a toujours un regard porté sur la personne qui pleure selon à quel monde il appartient. Tout le temps. Une femme, un homme, un étranger ou quelqu'un de chez nous. Oui, pareil, effectivement, la hiérarchie sociale est évidente. On s'est beaucoup moqué du peuple qui va pleurer au mélodrame. Et donc, les journalistes emploient le terme « incontinence des larmes ». C'est-à-dire que dès qu'on veut dévaloriser les larmes de quelqu'un, on le met du côté du bas corporel, alors que la larme spirituelle va vers, le ciel, etc. Donc, on a tendance, effectivement, à toujours dévaloriser les larmes des femmes, les larmes du peuple, celles des enfants aussi. Le mélodrame au théâtre au 19e siècle, c'est un moment majeur où l'on pleure énormément, mais dans le parallèle, il y a la larme un peu plus privée, celle de la lecture d'un poème extrêmement sensible de Lamartine. Ce ne sont pas les mêmes larmes. Voilà, la montée de la valorisation de la larme esthétique s'observe beaucoup au 19e siècle. Et puis surtout, ce qui s'observe au 19e siècle, c'est qu'il y a vraiment une naturalisation via le discours médical d'un corps féminin qui est vraiment un corps humide, souple, etc., mais en même temps complètement inorganisé, jusqu'à la grande affaire de l'hystérie, effectivement, de la salpêtrière, quoi. C'est-à-dire que, au final, les femmes, la valeur des larmes des femmes, c'est rien du tout, parce que, de toute façon, elles sont une espèce de machine à nerfs, nerveuse, qu'on ne peut pas du tout arriver à gouverner, quoi. Ça nous reconduit dans l'Antiquité, ça, parce que c'est la théorie des humeurs qu'on retrouve chez vous. Hein. La femme, donc, est liquide par nature, vu que l'homme est sec et solide. Oui. Alors, la théorie des humeurs, héritage de la médecine antique, en effet, ça peut fonctionner. Mais plus largement, comme je vous le disais tout à l'heure, la femme est considérée comme une plus grande pleureuse que l'homme, par nature, en effet. Ouais, c'est cette question-là qui est... C'est le sexus imbécilus, là, le sexe faible. Imbécile. Mais c'est intéressant de voir combien les larmes que l'on pourrait penser identiques peuvent être utilisées pour valoriser, d'un côté, si c'est le chef de guerre qui pleure face à la victoire ou la défaite, pourquoi pas, et si c'est une femme qui pleure. Ce n'est pas du tout la même histoire qui s'écrit là. Alors c'est peut-être un peu différent au XVIIIe siècle. Je crois qu'il y a vraiment un portrait de l'homme sensible, de la femme sensible, où on valorise quand même quelque part la sensibilité féminine, même si on se moque de celle qui pleure pour la mort d'un serin, etc. On trouve quand même une certaine équanimité. Alors qu'effectivement, au XIXe siècle, il y a une espèce de partage et de division des sexes beaucoup plus tranchée, quoi. Donc ça, je pense que quand même, il y a quand même des moments différents dans l'histoire sur la différence homme-femme. Et d'ailleurs, peut-être aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre. Oui, parce que c'est toujours ces mouvements. Maintenant, les hommes pleurent, ça y est. Ils pleurent et enfin, il y a un rapport au genre et aux larmes qui est héritier de cette longue histoire. Et d'ailleurs, dans vos larmes de Rome, quel moment s'écrit l'histoire genrée de ces larmes ? Parce que sur la couverture chez Anna Moza, là, donc c'est une femme qui pleure ou pas ? Erreur. Voilà. C'est Agamemnon, mais rassurez-vous, tout le monde l'a pris pour une femme. Mais c'est Agamemnon, ça, on voit pas son visage en fait. Il a des mains extrêmement. Pour vous rassurer sur son sexe, ouvrez la, dépliez la couverture et vous regarderez ses chaussures. Ah ouais. Reconnaître un homme à ses chaussures, c'est pas rien. Mais c'est vrai que le voile rosé a permis la confusion des genres. Non, c'est Agamemnon qui s'apprête à sacrifier sa fille Iphigénie et qui ne résiste pas, évidemment, à l'extrême douleur. Et le peintre grec Timanthe, qui a inspiré cette fresque de Pompéi, aurait trouvé donc l'astuce de cacher le visage d'Agamemnon par la main donc du héros et le voile baissé pour éviter finalement d'avoir à figurer cette souffrance extrême. Ouais, c'est la larme, c'est la souffrance aussi. Anne-Vincent Buffaut, vous avez le livre sous les yeux quand même, Agamemnon, là. C'est vrai que c'était pas évident. C'est vrai que les chaussures le trahissent. C'est la question de la représentation des larmes, parce que ici, les larmes ne se voient pas. Et c'est peut-être aussi ce que l'on disait tout à l'heure qui permet d'expliquer que le fait de pleurer mobilise l'ensemble du corps. C'est aussi une question de représentation. Parce que juste quelques larmes, c'est très dur à représenter. Si vous faites allusion à l'art antique, par exemple, et à la figuration des larmes, effectivement, on est assez déçu de ce point de vue-là. On attendrait une figuration, voilà, larme par larme, sur les joues des pleureurs, et on n'a pas ça. On doit se contenter de postures typiques, comme les coudes pliés, les mains sur la tête, les cheveux détachés, les cheveux parfois tirés de part et d'autre, comme ça, de la tête. Mais pas de petites larmes explicites, à la différence de ce qu'on peut voir sur certaines fresques égyptiennes où on a des pleureuses où le col des yeux, là, le maquillage coule, hein, de manière très très très très explicite. On voit comme des petites pluies noires sur les joues des pleureuses égyptiennes. Ben du côté romain, on est un peu déçu. On a quand même des sarcophages comme le sarcophage d'Amiternum, hein, le relief funéraire d'Amiternum, ou le relief des Athéries, qui montre des scènes de déploration funèbre avec justement ces pleureurs qui sont là pour les funérailles et qui n'effectuent que des gestes de déploration. Oui, c'est ça. Hein, c'est le geste qui accompagne les larmes qui est essentiel. Et pour vous, Anne-Vincent Buffaut, on sent que c'est également la même chose. C'est-à-dire que le corps, là aussi, est mobilisé avec l'émotion qui submerge la personne et qui part à la renverse. Enfin, c'est tout un cérémonial autour de oui, des oui, et puis c'est pensé par les dramaturges comme effectivement une rupture par rapport à la représentation de la tragédie où les corps étaient un peu figés. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Molière de Mouchkine, où on voit au début les tragédiens qui sont en train un peu figés à énoncer des sentences. Et puis après vient le théâtre où le corps est en mouvement, où effectivement, alors après, il y a ce qu'on peut appeler les formes du pathétique, les pathosformes d'Habib Warburg, qui traversent un peu le temps. Et là, j'avais un peu une question à Sarah Arendt. Profitez-en. Voilà, j'en profite. C'est l'histoire des genoux. Parce qu'effectivement, dans le pathos, et vous en parlez très bien, il y a l'agenouillement, le fait de se mettre à genoux, c'est-à-dire c'est peut-être se mettre en position de faiblesse quelque part, mais c'est en même temps, ce qui est curieux, c'est que j'avais fait le rapprochement avec Achille, parce que Achille il pleure, mais sa force est dans les genoux, donc il y a une espèce d'ambivalence de force et faiblesse autour du genou, et dans la gestualité pathétique, il suffit de regarder Greuze, c'est pareil, le fils puni, il est agenouillé, donc j'avais une question sur larmes et genoux. Ah ouais, mais vous avez bien raison. Il y a toute une lecture, effectivement, historique à donner de la place des genoux dans l'Antiquité, puisqu'on suppliait à la fois en s'agenouillant, mais aussi en prenant par les genoux la personne que l'on suppliait. Et même, on a des textes qui nous disent que le genou est un des sièges de l'énergie vitale. Oui, c'est ça. Le verbe même latin supplico vient de l'action de plier le genou. Et tout ça est intimement lié à l'acte de pleurer. Parce que bon, plier le genou simplement pour s'agenouiller, ça ne suffit pas si on a des objectifs pathétiques où on veut implorer la pitié de tel ou tel personnage. Donc en effet, le genou plié est très important dans l'acte lacrymal et dans toutes les techniques qui consistent à amadouer son auditeur, implorer sa grâce. Après les larmes de Rome, hein, voilà, le genou à Rome, ce serait un beau sujet parce que cette histoire des larmes nécessite un regard sur le temps long. Bien sûr, quand vous étudiez ces sujets-là, Sarah Ray, on ne peut pas faire un moment précis. Pour sentir ces grandes évolutions, ces grandes tendances, il faut brasser large, obligatoirement. C'est difficile à saisir, donc multiplication des sources, la littérature évidemment, toute forme de représentation, et ce n'est que comme ça en fait qu'on arrive à voir ces grandes évolutions. Oui, je crois qu'on est obligé de lire et de prendre en considération des dizaines et des dizaines de sources de nature différentes pour observer donc d'éventuels changements, mais souvent c'est des reconfigurations très subtiles. Donc les textes d'historiens, les textes oratoires, la philosophie, même si c'est un terme un peu vague pour l'Antiquité, les quelques images que nous possédons. Moi, je crois que c'est vraiment très utile d'écrire une histoire de longue durée des larmes, parce que ça permet d'arriver jusqu'aux chrétiens, justement, et de voir comment... finalement, ce phénomène est resémantisé. Hein, on l'investit de nouvelles significations. Et c'est la même chose pour vous, hein, Anne-Vincent Buffault. Ce 18e siècle, ce 19e siècle, fut un temps assez long, mais étonnamment beaucoup plus court que celui dont nous parlons de l'Antiquité. Et là, malgré tout, on voit, mais alors les sources sont complètement différentes, hein, par l'abondance, aussi des évolutions très nettes. Oui, c'est ce qui était surprenant, en fait, effectivement, entre le 18e et le 19e siècle, c'est quand même qu'effectivement, les changements paraissent assez rapides. Alors après, c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment de témoignages sur les gens du peuple, etc. Enfin, on a quand même quelques autobiographies ouvrières, où justement, les temporalités sont sans doute un peu décalées, etc. Mais effectivement, c'est quand même parfois étonnant à quel point... l'alarme publique est dévaluée, l'alarme devient intime, effectivement, et c'est quand même des bouleversements assez étonnants qui semblent nous traverser encore, quoi. Ah oui, clairement. Et puis l'alarme est vraiment et authentiquement genrée. C'est honteux, voilà. Pourquoi c'est une fille, hein? Parce que c'est un garçon, et c'est une fille. Ça dépend pourquoi il pleure, je veux dire. Ah ouais, d'accord, mais je veux dire, s'il pleure pour un truc sentimental, c'est honteux. Ah si, moi je trouve que ça fait virer là. C'est surtout pour une femme, tu vois, ça fait genre le mec qui tient. C'est pas pour tout. Un homme aussi. Et toi tu disais mais si, que... Non, pour qu'un mec pleure pour mais une meuf. Je sais qu'au contraire c'était une sorte d'humiliation, je veux dire, de mais pleurer si, non, de... Moi, je trouve que... devant une fille en quelque sorte. Si, je pense que si je devais pleurer, je pleurerais, je veux dire, tout seul. Tout seul, devant... Si on pleure, ça arrange pas les choses. Hein. Je trouve que c'est un charme de pleurer devant une fille. Hein. Ouais, moi aussi, je trouve. On est en 1988 dans les nuits magnétiques de France Culture. Mais qui pleure? Anne-Vincent Buffault, à partir de quel moment il n'est plus de bon ton, alors, pour un homme, de pleurer? Commençons par les hommes. Effectivement, sur la question là, qui est passée dans l'interview, il semblerait, alors ça c'est Arlette Farge qui le montre, que les femmes qui étaient séduites et abandonnées, justement, tiraient parti du fait qu'elles avaient des preuves qu'ils avaient pleuré au genou pour montrer qu'ils l'aimaient vraiment, donc il avait promis quelque chose. Donc c'était pas du tout gênant pour un homme d'avoir pleuré d'amour. Voilà. Bon, déjà, ça c'est une bonne chose. Alors qu'après, il est probable que ces jeunes garçons sont héritiers du 19e siècle, où il faut surtout pas avoir une femme, parce que Stendhal appelait la voix humide. Ah bah toujours, ah bah oui. Les humeurs, la théorie donc, des humeurs. C'était ridicule de faire, de pleurer au pied d'une dame. Donc effectivement, il y a eu quand même un code de la virilité qui a... Alors, qu'on voit aussi parfois, même chez les romantiques, où les larmes des femmes sont déniées, répudiées, etc. Et puis après, l'homme a beaucoup de regrets et pleure tout seul dans son coin, quoi. Mais il y a cette espèce de rencontre des larmes, de fusion des larmes, où on mêle ses larmes, etc. C'est quelque chose, effectivement, qui est propre au 18e et qui disparaît au 19e. On mêle beaucoup moins ses larmes, Voilà. C'est dommage. C'est... On mouillait des fauteuils de larmes, on pouvait verser des torrents de larmes, voilà. Et on va retrouver en fait des arguments, je ne dis pas du même type parce que le contexte est complètement différent, mais dans l'Antiquité, quand il s'agit de condamner certaines larmes masculines, à certains moments, on sent que c'est plus à la mode, quoi. Alors, plus à la mode, je ne sais pas si je dirais ça comme ça, mais on a quelques, effectivement, contre-exemples, enfin des exemples d'hommes normalement assez puissants, mais qui ont été critiqués pour des larmes qui ne seraient pas venues de manière justifiée. Alors, un exemple, c'est Adrien, l'empereur Adrien, dont on dit qu'il aurait pleuré immodérément son amant Antinous, mort dans le Nil. Et l'histoire Auguste, bon, qui est très critique et puis qui est une source tardive aussi, nous dit que l'empereur à pleurer à la manière d'une femme. Moulier Brittère, donc c'est pas bon du tout. Hein, ça veut dire qu'il s'est laissé aller dans un deuil impropre. On a aussi des exemples d'hommes qui étaient pourtant dans des positions politiques assez enviables et qui auraient été surpris eux aussi avec des larmes honteuses à leurs yeux. Par exemple, un certain Carbot, hein, pendant les guerres civiles, qui... on est entre au moment des guerres entre Sylla et Pompée, et sa tête est mise à prix. Il est arrêté en Sicile, et pour échapper juste de quelques minutes à sa mise à mort, il demande d'aller aux latrines, et là, il n'en sort pas, et finalement, on va le chercher là où il s'était réfugié, on le trouve en train de pleurer, et les sources nous disent que c'est totalement honteux de voir ce grand homme romain finalement avoir peur de la mort qui l'attend et pleurer à ce moment-là. Surtout aux latrines. Non mais l'image est là et ça permet d'évoquer une forme de larmes qui, alors vous allez me corriger si je dis une bêtise, paraît beaucoup moins variable selon les moments de l'histoire, ce sont les larmes liées au fou rire. On sent que celles-ci, elles submergent le moment et qu'elles sont beaucoup moins mises en avant dans les sources que les larmes liées à la tristesse, à la défaite et au deuil. Vous en avez croisé des larmes de fou rire dans vos recherches? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas du tout le même registre, quoi. Ça fait partie du rire, quoi. C'est l'histoire du rire qui devrait étudier les larmes de fou rire. Mais pour... Non, moi j'en ai pas rencontré dans mon souvenir d'attestation nette. Pour vous confirmer quand même que la physiologie des hommes antiques n'était pas très différente des nôtres, on a des textes qui nous disent qu'on pleure quand on coupe un oignon, par exemple, hein, dans l'Antiquité. Donc les oignons provoquaient la même réaction qu'aujourd'hui. Mais voilà, un rire aux larmes, spontanément, ça ne m'évoque rien. Ouais. Donc bon, c'est intéressant de savoir que les oignons sont malgré tout présents dans cette émission qui parle des larmes. Donc dans cette longue histoire des larmes, hein, celle qui nous intéresse aujourd'hui, nous vivons des moments... On le voit bien à travers le cinéma, qui est le pendant de la littérature, ce sont des narrations. On sent combien ça nous impose des images de pleurer ou de ne pas pleurer, des images de la virilité. En fait, cette histoire des larmes, cette histoire d'une émotion, des sensibilités, en fait, croise toutes les histoires. Et elle est formidable en soi, parce qu'elle permet de se poser et d'essayer de comprendre plein d'émotions. Les larmes, c'est pas une émotion en soi. C'est plus un vecteur d'émotion. Donc vous êtes historienne de plein d'émotions, en fait. Ah, ça, c'est sûr qu'il y a une interconnexion de tous les affects. Les larmes mènent au rire, les larmes mènent à l'expression de la pitié, à la clémence. Donc effectivement, on est obligé assez vite de passer d'une émotion à l'autre. Et c'est aussi toute la difficulté de l'histoire des sensibilités. C'est qu'on a l'impression qu'on n'en fait jamais tout à fait le tour. On a beaucoup d'événements qui sont indatables. On essaye de maîtriser la longue durée. Et voilà, on doit se satisfaire parfois d'un sentiment un peu pas de vague, mais de quelque chose qui n'est pas aussi bien cerné que l'histoire bataille, ça c'est certain. Bien sûr, et c'est en cela que c'est passionnant, parce que ces histoires-là nous interpellent énormément. Les larmes, tout le monde a connu, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde a vu quelqu'un pleurer, et pourtant, cette compréhension historique, c'est formidable. Oui, puis parfois on a l'impression qu'il y a de la pensée dans les larmes, c'est-à-dire que Lynn Hunt a bien dit que, quelque part, les droits de l'homme, ça venait aussi du fait que les gens avaient pleuré sur l'innocence persécutée, sur l'affaire Callas, etc. C'est-à-dire que l'intolérable de la douleur, ça a monté avec cette mode des larmes. Et inversement, vous disiez vous-même, effectivement, la chrétienté accepte la mort, accepte la douleur. Il peut y avoir parfois des antagonismes de culture de larmes qui, en fait, sont enchevêtrés dans la même époque. Donc, il n'y a pas une seule histoire des larmes. Elles sont très complexes. Et on se disait toutes les deux que c'était un sujet très compliqué. Ben voilà, mais vous nous l'avez rendu extrêmement clair. Donc, merci, nous devons beaucoup aux larmes. Alors, je rappelle, hein, Anne-Vincent Buffot, cette histoire des larmes, hein, chez Payot et Rivage. Et puis, vous, Sarah Ray, il y a Les larmes de Rome, chez Anna Moza. Et puis, vous avez participé à l'histoire des sensibilités, hein, dirigée par Alain Corbin et Hervé Mazurel. Merci beaucoup à toutes les deux, parce que... pas une émission larmoyante, alors qu'il y avait plein de larmes. C'était génial. Et ben, le voyage continue avec Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Comment peut-on être un vandale ? Vous savez sans doute que, sous la pression des militants antiracistes qui refusent qu'on puisse, aujourd'hui encore, employer le mot « nègre », le célèbre roman d'Agatha Christie, intitulé « Dix petits nègres », a été réédité sous le titre « Ils étaient dix ». Certains ont vu dans ce changement une forme de censure, en rappelant que le mot « nègre » était couramment utilisé jusqu'en 1945, y compris par des écrivains noirs comme Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, qui ont défendu le concept de « négritude ». Fidèle à l'esprit dans lequel j'ai conçu ces chroniques, je ne me prononcerai pas sur une polémique qui se situe sur le terrain des opinions politiques. D'un point de vue historique, son principal intérêt est de nous rappeler que notre langage est chargé d'histoire et que le sens que nous donnons aux mots peut varier en fonction des contextes et des milieux sociaux. Pour en donner une autre illustration, j'ai choisi un exemple moins conflictuel et moins dramatique que celui du terme « nègre ». Il concerne les mots « vandale » et « vandalisme ». Les vandales étaient des petites tribus germaniques qui vivaient, si l'on en croit les premières sources écrites les concernant, dans une partie de l'actuelle Pologne. Ils ont émigré ensuite vers le sud, envahissant la péninsule ibérique, puis l'Afrique du Nord-Ouest, où ils fondèrent le royaume vandale au Ve siècle. Bien qu'ils n'aient pas été plus sanguinaires que les autres peuples de l'époque, ils ont laissé une réputation particulièrement sulfureuse dans l'Occident chrétien. Sans doute parce qu'ils ont été les acteurs du troisième sac de Rome en 455, après ceux perpétrés par les Visigoths et les Ostrogoths. Toutefois, à la différence de ces derniers, le nom propre des Vandales est devenu un nom commun. Le lien entre les deux est clairement établi dans le dictionnaire de l'Académie française qui définit un vandale comme, je cite, « un individu qui détruit un monument, qui abîme une œuvre d'art par allusion à un ancien peuple de la Germanie qui dévasta plusieurs provinces de l'Empire romain ». À partir de ce nom commun, les maîtres de la langue française ont fabriqué un autre mot qui désigne un comportement barbare. C'est ce qu'on appelle le vandalisme, conduite, état d'esprit de ceux qui détruisent des monuments, des œuvres d'art, nous dit le dictionnaire de l'Académie française. J'ai cherché à savoir quand le nom propre des vandales était entré dans le langage courant pour désigner une catégorie de délinquants et un comportement de sauvage. Ce basculement a été tardif, puisqu'il n'apparaît qu'au XVIIIe siècle. Dans ses mémoires, Voltaire présente Frédéric Guillaume, le père du roi de Prusse Frédéric II, comme un être très violent, en ajoutant qu'il était un véritable vandale. Le mot vandalisme est un héritage de la Révolution française. Il fut employé pour la première fois dans le titre d'un ouvrage publié en 1794 par l'abbé Grégoire, intitulé « Rapport sur les destructions opérées par le vandalisme et sur les moyens de le réprimer ». Je ne sais pas s'il existe aujourd'hui des gens qui revendiquent leur ascendance vandale. Si c'est le cas, ils seraient en droit de protester contre les connotations péjoratives qui découlent de leur nom propre. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par une équipe, la larme à l'œil, mais larme de joie bien sûr. Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Vudès et Gillian Tilly, Maïwenn Guizhou. Merci à Sabine Dailleron de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.